Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix et dire Alléluia? Oh, il est bon, il est merveilleux, il est puissant, il est saint. Alors nous allons le louer ce matin, car il mérite la louange. Il mérite qu'on le loue. Il mérite qu'on l'élève par la louange. Alors c'est comme ça que nous allons le louer par le chant. Nimbwe Akitabu. Est-ce qu'on peut, nous chanter un chant? On aimerait le louer au travers ce chant. Est-ce qu'on peut se tenir debout et le louer encore? Yes, oh, sou mouye sa yo te wana Nani moun sou mga brema Yesu mouye Weli touta moun si pou nani Nani moun sou mga brema Yesu mouye Weli touta moun si pou nani Nani moun sou mga brema Yesu Alléluia Chunga mwema Yesu mweza yote Yeye ni baba Hakuna mwingine kama Yesu Aleluya Mbinguni Mbinguni yako Tafika kitu Tawusha fuza avec le canot vocal. Nous allons célébrer le Seigneur pendant qu'il s'approche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut les encourager? Ils sont beaux ce matin. Qui est nos amours PPA, t'as nous dit autrefois mon goût, PPA, alléluia, Jésus. Yemba Mungu wangu O Baba shuri tenda baba Baga O awata Awata si mama Wante kukabudu O nisisi Nisisi pingali wazima Jotu takutukuza Hei fanya miracle Fanya miracle Kukatu wazima Hei fanya miracle Ooh.

Il faut être fort pour danser avec le canot. Il faut être jeune. Alléluia. Alors, nous allons continuer avec la louange. Psaume 100, verset 4 dit que la louange nous amène jusqu'au parvis. Alors, nous aimerions entrer, arriver au parvis de la maison des dieux. Amen. Alors, si quelqu'un a la soif d'entrer auprès de son Père, peut se tenir debout et louer le Seigneur ensemble avec la chorale. Est-ce que tu peux acclamer? On commence à mon lolo. Samba lola. Samba lola. Zamba kota la motema, Zamba kota la tolo, Zamba motema malamwe, yonde Zamba koti ke la babel. Mume buwaba eyo ya ujeselese kolola kuboko eyo abeleza wa mulu imaleza wa mulu amule wa mulu zambalo eyo wa mule eyo wa mule wa mule eyo ya kutale o imaleza wa Beta kilingana na maye. Yesu yonde linga na eleki ya mosi Tune malago ocha kinywa na motema Ah elshada ilingena Ligena Yesu ligende Ligende Yesu ligena Ligende Yesu ligende Ligende Hey ligende papa nanga tu to sala papa Tombola, Tombola, Tombola, Tombola, Tombola, Tombola, Tombola, Tombola, Tombola, Nous appelons papa pour cette partie. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le roi des rois. Alléluia. Le Seigneur des seigneurs. Oui, lève ta main là où tu es. J'aimerais que tu dises merci au Seigneur. Je veux que tu dises merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Pendant la semaine, on a dit qu'une façon de rester toujours à sa position dans le Seigneur, c'est d'être reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors lève ta main, dis Seigneur merci. Merci pour mes enfants, merci pour tout ce que, pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Élève ta voix, dis merci. Dis seulement merci. Dis-lui comment tu lui es reconnaissant. Comment tu lui es reconnaissant. Pour le travail qu'il t'a donné, pour la vie qu'il t'a donné, pour tout ce que Dieu a fait pour toi. Oh, il est merveilleux. Nous lui disons merci chaque jour. Père, merci. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oh, tu fais bien d'acclamer, tu fais bien d'acclamer. Oh, tu fais bien d'acclamer le Seigneur. Veuillez vous asseoir. Avant d'écouter la parole, je voulais juste expliquer quelque chose que j'ai dit en semaine. Désormais, dans notre église, il faudrait que nous ayons le temps d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Après chaque louange, après la louange, j'aimerais qu'on ait ne fût-ce qu'un petit moment pour exprimer notre reconnaissance. Est-ce que la technique peut me mettre au tableau ce que j'ai demandé? Bien aimé, les actions de grâce, c'est un acte de redevabilité et de reconnaissance envers le Seigneur. Nous nous sentons redevables, même si on n'a pas écrit ça. Et redevables. Voilà. Donc, quand tu fais une action de grâce envers Dieu, c'est une sorte de redevabilité envers Dieu. Pour ce que Dieu a fait pour moi, je n'ai pas beaucoup de choses, mais je lui dis merci. C'est aussi un acte de reconnaissance envers le Seigneur. Je pense qu'on a enseigné en semaine, dans Deutéronome chapitre 8, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc chaque fois que tu as quelque chose, garde-toi de dire à ton cœur, c'est ma force. C'est mon intelligence. C'est ma beauté. C'est ma puissance. C'est mon travail. Toujours être reconnaissant envers le Seigneur. C'est pourquoi j'ai parlé d'action de grâce égale redevabilité et reconnaissance envers Dieu. Alors tu vas prendre ton action de grâce. Ce qui était en semaine, j'ai dit que nous allons commencer à le faire à partir d'aujourd'hui. Ce qui n'était pas là, ce n'est pas grave. Fais une action de grâce. Prends quelque chose entre tes mains. Dis, Seigneur, merci. Je te suis redevable. Je te suis reconnaissant. Ce n'est ni ma force, ni ma puissance qui m'ont permis d'acquérir ces choses. Voilà. Chaque fois, chaque dimanche, nous aurons une brèche après la louange d'être reconnaissant envers le Seigneur. Et ça nous permet toujours d'avoir une attitude, une position de soumission envers Dieu. Je sais que on n'enseigne pas parfois ces choses, mais nous devons le faire pour que le peuple de Dieu soit béni et pour que nous puissions toujours garder notre position. Alors tu prends ton action de grâce, prends ton action de grâce, ferme tes yeux, on va prier pendant quelques minutes. Dis Seigneur merci. Ce n'est pas par ma force, par ma puissance que j'ai ce que j'ai. Je te suis reconnaissant ce matin. Et cette action de grâce, c'est pour exprimer ma reconnaissance. Père merci pour ce moment que tu donnes à l'église. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous, pour ce que tu fais dans nos vies. Oh, sois béni Seigneur, sois élevé, accueille notre reconnaissance et notre gratitude pour nos enfants, pour la vie, pour la santé, pour le travail, pour la famille, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alors nous déposons notre action de grâce. Pendant que la chorale nous chante un bon cantique, à moins que je demande, confondu. C'est chantable. Ok, nous faisons notre action de grâce. Que Dieu vous bénisse. Protocole, vous pouvez mettre même le panier là, là, rapidement. Non, mettez un seul panier, un seul panier. Un panier ici, un panier là-bas pour gagner le temps. Nous démarrons. Nous allons nous habituer. Vous mettrez un panier action de grâce. Nous allons tous donner là-bas, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse. Le modérateur continue son job. Il m'a restauré, il m'a donné la victoire. Je suis reconnaissant. donné la victoire. Je suis reconnaissant, ce qu'il promet, il accomplit. Amen, amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? On peut lui rendre des actions de grâce par nos cris, nos acclamations, car il le mérite. Alors nous allons également l'adorer, puisqu'il nous a gardés, il nous a bénis, il nous a protégés, il a été avec nous. Nous lui avons rendu les actions de grâce. Nous allons maintenant l'adorer. Nous allons témoigner notre reconnaissance par des paroles. Des belles paroles que nous allons prononcer à Dieu. C'est lui qui garde notre vie. Alors j'aimerais que tu prennes cette attitude d'humilité. Cette attitude d'adoration. Et que tu élèves maintenant ta voix auprès du Seigneur. Adore-le ce matin. Mon Saint-Toi, bat-toi, Fanaka, Dalola. Andi, ma kosopa, ma kila. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh maman, yo. Est-ce qu'on peut s'élever pour adorer le Seigneur? On peut s'élever. Atali, Sangangela, Yabomo. Apesanga bolingo ya bangula nanga Kolo Yesu Mama Azwaki moto esengela ki azala na boka Oyaki osopi makila na yo Okoma boka nanga Yesu Emenya papa Kolo Yesu Kolo Kolo Yesu Kolo Kolo Yesu Kolo mama Mama na yo Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Licolo Yesu nangai Bako benga yo exenzambe Kiti na yo seko na seko Oko sede angote pa moto ya ya Namona bato kofuta mbango Boba vote bango bako maba president Ata ba renouvelé mandat Na descendre en président c'est à la carte Asi oyo yo bokozi Ezange bandeli ezanga suka Asi oyo yo bokozi Ezange bandeli ezanga suka Bokozi ya Yesu nanga bandine na kiti ya bokozi na ye Ezange bandeli ezanga suka Nathalie Licolo, Nathalie Penasse, Nasse Amari, Ozange Baneli Pesuka, Nasi Oyaya Bokozi, Zange Baneli Ezangasuka, Yango Tozo Tombola Kitcha Bokozi Nayona Tombo Alelo Yeshe, Ozange Baneli Ozangasuka. Yango tozo tombola mitema na biso na tonga lelo Yesu Ozange bandeli ozanga suka Na lola mande ko salate Election ko salate Oyo zali zambe na bombo Suki ya pembe ko bimate Na moto na yo Totatoli ete Totatoli oya simili Kolona se Suki ya pembe Suki ya pembe Kopimote Na moto na ye O asanzame Kumama Kumama Kolo Kumama Kumama Kolo Oui, commence à lever sa voix. You are Yahweh. Oui, élève ta voix, commence à le bénir. You are Yahweh. No one like you, Lord. Tu es Dieu. You are Yahweh. Tu es Dieu. You are Alpha. Tu es Dieu. Yeah. gauche. Élève ta voix, commence à le bénir. Quel Dieu comme notre Dieu. Quel est ce Dieu qui lui est semblable? Quel est ce Dieu qui lui est comparable? De toute éternité, il est Dieu. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a ni commencement ni fin. Il n'est pas visible par la chair humaine. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui l'appellent Emmanuel. Alléluia. D'autres l'appellent Adonai. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, toi, comment tu l'appelles? Il y en a qui l'appellent Yahweh. Il y en a qui l'appellent Adonai. Mais c'est le même Dieu. C'est le même Seigneur. Oh, élève ta voix. Comment tu l'appelles? Alléluia. You are Yahweh. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Oh, alléluia. C'est le moment d'intimité avec le Seigneur. C'est le moment des intimes avec les dieux. Sing Adonai. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Jésus. Merci. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. Oh, merci. Emmanuel. Il est là. Merci pour ta présence. Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel, Oh merci Jésus. Est-ce qu'il y a quelques personnes poussées par l'esprit qui peuvent élever leur voix dans l'assemblée pendant une minute et adorer le Seigneur? Alléluia. Deux ou trois personnes. Chaque culte, il sait qu'il est. Pour que Christ soit glorifié. Merci. Oui. Une autre personne poussée par l'esprit. Chante ce cantique. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, toi, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Osa pole nanga, merci Jésus. Osa pole nanga, Osa pole nanga, Osa pole nanga, Osa pole. Et tu peux chanter. Père, merci. Merci pour tes moments. Merci pour ta face envers nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour cette parole qui nous donne la vie. Merci pour la consolation de ce matin. Merci pour la semaine bénie. Merci pour le mois qui se termine dans la grâce. Reçois l'honneur, reçois la puissance et la gloire au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci. Oh, il est merveilleux. Il est l'ami fidèle. Amen. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, il nous donne sa parole. Bien-aimé, la vie est dans la parole. Tout ce que tu cherches dans la vie se retrouve dans la parole de Dieu. Ton avenir est dans la parole de Dieu. Ton présent est dans la parole de Dieu. Tout ce qu'il te faut dans la vie, tu as besoin de la guérison ce matin, c'est dans la parole de Dieu. Tu as besoin de la délivrance, c'est dans la parole de Dieu. Tu as besoin de la visitation, c'est dans la parole de Dieu. Au commencement était la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. C'est pourquoi si tu reçois la parole de Dieu, tu reçois la vie. Jésus lui-même, il est la parole de Dieu. Si tu reçois Jésus, tu reçois la parole. Et il nous dit dans sa parole, aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, aucune parole ne restera sans effet. Je prie ce matin que toute parole de Dieu ait de l'effet sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 7, versets 12 à 13. Un bon verset. Oh, Moustari Nzori Kabisa. Et ça sera une bénédiction pour quelqu'un ce matin. Une bénédiction de Dieu. Quand il nous donne une parole comme ça, nous sommes bénis. Matthieu chapitre 7. Versets 13 à 14. Matthieu 7. Verset 13 à 14. La Bible dit: entrez par la porte étroite. Wow. Entrez par la porte étroite. La porte elle est étroite. Mais Dieu nous dit, entrez par la porte étroite. Pourquoi? Car large est la porte. Bon, j'ai mis la phrase pour que l'interprète bien. Car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Ça veut dire trouve la porte et le chemin. Père, merci pour la parole de ce matin qui va toucher la vie de quelqu'un. Je te bénis et je soumets toute pensée captive à l'obéissance de ta parole et du Saint-Esprit au nom de Jésus. La Yesu. Amen. Tunasema amina. Alléluia. Amina. Je voulais d'abord parler en introduction des destinataires de ce message. Kwa wale watapokea mjumbe hiyo. Ce message s'adresse ce matin mjumbe nelekea, asubuhi ya leo, à quelqu'un qui est découragé. Kwa mumutu, alisokata tumaini yote. À cause des problèmes qu'il rencontre sur son chemin. Kwa ajili ya mambo anapata katika mapito yake. Il pense que quand il y a des problèmes sur son chemin, anazania kama mambo iko mapito yake, c'est que Dieu n'est pas là. Maana yake Mungu hayuko tena. Je voulais parler à l'église. Napenda kusema na kanisa. De faire attention. Ya kukeba ange kabisa. À la séduction. Kwa ajili ya kudongozewa. De voix facile. Kwa manjia mwepesi kabisa. À la séduction de la facilité dans la vie. Kudongozewa na vitu ya mwepesi maisha. Il y en a qui se disent, à cause des problèmes que je rencontre, c'est que Dieu n'est pas là. Plusieurs cherchent des voies faciles, des chemins faciles. La Bible me dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Sababu ile mlango mkubwa. Spacieux est le chemin. Munene kabisa ndio njia. Qui mène à la perdition. Kunapeleka kuo potevu. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Na wengi wanaingia kule. Aujourd'hui, na leo, la séduction de la facilité. Utongolevu kwa ajili ya mambo ya wepesi. Dans le monde. Ndani ya dunia. Conduit plusieurs à la perdition. Inaongoza wengi kabisa kuo potevu. À peine qu'il termine les études, à peine qu'il veut être millionnaire, le chemin de la perdition. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais nous devons faire attention. Plusieurs cherchent des choses faciles. Non, bien-aimé, le Seigneur prend le temps de préparer le cœur à la prochaine étape. D'ailleurs, avant d'enseigner ce matin, je voulais donner deux principes divins. Le premier principe, souvent avec Dieu, souvent avec Dieu, les larmes précèdent la joie. Alléluia. Amen. Souvent, maramingi, avec Dieu, pamoja na Mungu, les larmes, machozi, précèdent, ikunatangulia, la joie, furaha. Donc je dis à quelqu'un, basi nasema na mtu mmoja, si tu pleures ce matin, Mungu nalia asubuhi ya leo, c'est que la joie est en train de venir dans ta vie. Kunafuata baadaye. Alléluia. Amen. Psaume 126. Zaburi 126. Versets 5 à 6. 5 à 6. En fait, j'ai récité ce psaume depuis mes humanités. Quand mes amis allaient se promener, j'ai resté bouquiné. Wakati wa rafiki walikuwa wanaenda kutembea, mimi nilikuwa najifunza tu. Et j'ai récité ce psaume. Na nilikuwa nasema Zaburi. Ça m'encourage. Psaume 126. Versets 5 à 6. Shaili ya 5 au 10. Ceux qui s'aiment avec larmes, ils feront quoi? Ils moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Les larmes ont précédé l'allégresse. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ta souffrance précède ta gloire. Alléluia. Amen. Regardez le verset 6 qui vient de ce psaume 126. En fait, ce psaume n'a que 6 versets. 6 strophes, si vous voulez. C'est lui qui marche en pleurant. Frère, tu pleures. Quand tu vas porter la semence dans le champ. Quand tu vas étudier. Quand tu vas travailler dans le train. Tu pleures. tu reviendras. Oh mon frère, le problème ce n'est pas l'aller. La vraie chose, c'est ton retour. Oh, je dis à quelqu'un, ton retour sera glorieux. Parce que sur toi, tu n'auras plus la semence, mais tu auras les gerbes et qui vont revenir dans ta maison. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, un des principes spirituels, c'est que dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu, les larmes précèdent la joie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tu pleures, ne te décourage pas. Dis-toi, c'est l'introduction à la joie qui est en train de venir. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, Dieu est merveilleux. Celui qui pleure ce matin, oh, qui sache que la joie de Dieu est en train d'arriver. Ceux qui pleurent dans leur famille, celui qui pleure dans sa vie, la gloire de Dieu arrive. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il a l'obligation d'essuyer toute l'arme de tes yeux. Alléluia. Amen. Deuxième principe, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, versets 7 à 9. Vous connaissez ce principe. Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est dépouillé en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Verset suivant. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Deuxième principe spirituel. La croix précède toujours la couronne. Alléluia. Amen. La croix précédera toujours la couronne. L'humiliation précédera toujours l'élévation. La couronne d'épines précédera toujours la couronne de gloire. C'est pourquoi quand certaines choses arrivent dans la vie, il faut comprendre certains principes. Alors je déclare, si nous restons forts dans les moments difficiles, alors Dieu nous amène à une prochaine étape supérieure à la première. Si tu restes fort dans les moments difficiles, toi qui traverses des moments difficiles, alors Dieu va t'amener à une prochaine étape supérieure à la première étape. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Ce matin, Matthieu nous parle du sermon sur la montagne. Je suis dans Matthieu, le chapitre 7, versets 13 à 14. Matthieu 7, 13 à 14. En fait, ce sermon commence au chapitre 5 de Matthieu, où Jésus parle des béatitudes. Béatitudes. Jésus nous parle des béatitudes. Ça commence dans Matthieu chapitre 5. Dans Matthieu chapitre 6, il parle de comment prier. Et dans Matthieu chapitre 7, en fait, c'est la fin du sermon sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe? Jésus commence son ministère en Galilée. Il fait des miracles. anafanya miujiza. Il guérit les malades. Anatunza wagonjwa. Il purifie les lépreux. Anatosha wanyoko kwa roho. Les gens viennent vers lui. Watu wanakuja wengi kwake. Alors Jésus se met sur la montagne. Yesu anapanda kwenye mlima. Il leur parle. Anasema. Dans Matthieu 5, Matayo sura ya 5. Heureux. Hey. Les pauvres en esprit. Oui, heureux. Hey. Ceux qui ont soif de la justice. Hey. Heureux. Hey. Ceux qui sont affligés. Hey. Jésus parle de ces sept béatitudes. Dans Matthieu chapitre 7, il parle du jugement. Il parle de la porte étroite pour clôturer son serment sur la montagne. Alors ce matin, c'est le verset 13 et 14 que nous lisons. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Il nous présente deux portes. Il nous présente deux chemins. Et dans la vie, chacun de nous sera face à ces deux portes et à ces deux chemins. Une porte étroite et une grande porte. Un chemin spacieux. Et la Bible me dit un chemin resserré. Deux portes, deux chemins. Milango mbili na manjia mbili. Deux modes de vie. Na aina mbili ya kuishi. Une vie qui a des problèmes. Maisha inakuwa na matatizo. C'est difficile quand on marche. Ni kigumu kabisa ukitembea mule ndani. Et on se dit, est-ce que Dieu est avec moi ici? Hakuna sema gani basi Mungu ni pamoja nami. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? J'essaye, ça ne marche pas. Je vois des problèmes qui s'élèvent dans ma vie. Mais je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui traverse une vie comme ça. Quand il marche, il pleure tous les jours de sa vie. Quand il avance, le chemin est rocailleux. Il y a des plumes qui tombent. Il y a des larmes qui tombent. Parfois il perd des enfants. Parfois il perd des êtres chers. Parfois il perd sa santé. Parfois il perd ses moyens. Oh, je parle à toi qui connais un chemin difficile, des moments difficiles dans ta vie. Aujourd'hui, je suis venu te présenter une arme. Une arme efficace. Je voudrais qu'en quittant cette église, que tu sois conscient, même quand les moments sont difficiles dans la vie, la fidélité de Dieu reste un bouclier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tu te rappelles toujours de la fidélité de Dieu. Oh, la Bible me dit dans Lamentations chapitre 3, quand je pense à mon poisson, quand je pense à l'absinthe, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce qui me donne de l'espérance. C'est pourquoi je vais espérer. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh bien-aimé, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est-à-dire que si Dieu renouvelle une journée, il renouvelle sa bonté. Je dis à quelqu'un ce matin, parce que Dieu t'a donné une journée comme celle-ci, Dieu a renouvelé sa bonté pour toi. Et il ajoute, il dit que sa fidélité est grande. Bien-aimé, nous oublions la fidélité de Dieu. Et une des séductions de l'ennemi, c'est que dans les moments difficiles, que tu oublies que ton Dieu est fidèle. que tu oublies que ton Dieu est fidèle. Akusaulisha kama Mungu wako ni mwaminifu. Oh, je vais encourager quelqu'un. Basi nakutilia tena kiasi leo. Basi m'encourage aussi. Sababu na mimi nipatie nguvu. Quand le moment devient difficile. Kama wakati ya magumu inafika. Il y a une arme. Kuna kwa silamu moja. La fidélité. Inakuwa ni uaminifu de Dieu. Wake Mungu. Beaucoup de gens watu wengi tombent dans la tentation, dans la séduction de voie facile. Dès qu'il connaît une difficulté dans sa vie, il lâche. Il dit Dieu n'est pas là. Dès qu'il connaît des problèmes dans son ministère, dès qu'il connaît des problèmes dans son mariage, même si on vient de parler à quelqu'un ce matin, là où tu travailles, tu étais rayonnant. Et les problèmes sont venus. Dans ton mariage, tout allait bien. Les problèmes sont arrivés. Dans ta vie, ça marchait. Les problèmes sont arrivés. Jésus dit, entrez par la porte étroite. Large et spacieux. Il est mukubwa na munene. Le chemin qui mène à la perdition. Yonji yanapeleka ku upotevu. Resserré. Yenye kusongwa kabisa. Le chemin des problèmes. Jia ya matatizo. Mais la finalité de deux chemins. Sasa mwisho ya manjio yote mbili. Le premier chemin. Jia ya kwanza. C'est la perdition. Le deuxième chemin, c'est la vie éternelle. C'est la destinée. Beaucoup de gens, en cherchant les chemins faciles dans la vie, ils se sont éloignés de leur destinée. On nous a dit que quand c'est facile, c'est que c'est Dieu. Jésus dit non. Quand c'est resserré, quand c'est étroit, c'est là que Dieu est. Quand c'est difficile, c'est là que tu verras la fidélité de Dieu. Quand c'est difficile, c'est là que ça nous mène à genoux. Parce que la victoire est à genoux. Quand c'est difficile, c'est là que je vais prier le Seigneur. Et il interviendra. Trois attitudes. Et je vais parler rapidement ces trois attitudes. Dans des moments difficiles. 1. Ne cherche pas la mort. Oh, ce matin, le Saint-Esprit continue à me dire, il y a des gens. Il y en a même qui veulent se suicider. Quand ça devient difficile, pendant que tu me suis, enlève ces pensées de ton cœur. Quand ça devient difficile, ne te donne pas la mort. Ne cherche pas la mort. Parce qu'il y a un Dieu fidèle. Compte sur la fidélité de Dieu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Deuxième attitude. Haina ya pili. Quand ça devient difficile. Wakati mambo inakuwa ngumu kabisa. Ne retourne pas en arrière. Shurudi tena nyuma. Plusieurs. Basi wengi. Ils avançaient. Walikuwa wanaendelea vizuri mbele. Quand ça devient difficile. Wakati magumu inafika. Il retourne en arrière. Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas digne de sa destinée. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. Il y en a qui ont donné leur vie au Seigneur parce que c'est devenu difficile, aujourd'hui ils sont rentrés dans le monde. Il y en a qui se sont mariés, quand ça devient difficile ils ont décidé de divorcer. Oh, j'ai dit à quelqu'un qui a ses pensées dans son cœur, ne recule pas, continue d'avancer parce que Dieu est fidèle. Même dans les affaires, ça ne marche pas aujourd'hui, ça ne marche pas demain. Ne recule pas. Troisième attitude, c'est l'abandon. Quand ça devient difficile sur le chemin, il y en a qui abandonnent. J'abandonne tout. J'abandonne. Mina biatcha. Il dit non, non. D'ailleurs, je pense que Dieu ne m'a pas appelé pour ça. Azaleka Mungu akunitia moyi kazi. Oh bien-aimé. Basi mpendwa. Ce matin, asubuhi ya leo. C'est le dernier dimanche de février. Ni siku moja où tu dois te rappeler. Ah, siku unapaswa kumbuka de la fidélité de Dieu. Kwa ajili ya uaminifu wake Mungu. Première attitude. Haili ya kwanza. À cause des problèmes, il y en a qui cherchent la mort. Tu n'es pas le premier. C'est pourquoi je t'encourage. Oh, je suis bien aimé, très rempli de l'esprit pour t'encourager. Que même quand ça devient difficile, ne cherche jamais la mort. Même le monde trouve que ceux qui meurent, qui se suicident, sont des lâches. Lâche en soi, c'est quoi? Musaliti. Soyez facile. Ah. Non, lâche, ce n'est pas le konacha. Lâche. Muta shpo kuendelea na mambo. Ce n'est pas tellement ça. Bon, ok. Muta shpo fisha mambo kumwisho. Mais moi-même, je suis en train de chercher. Ce n'est pas facile, soyez. Je vous dis. Je vous dis que non, tu es lâche. Oui, oui, on fait que ça. Donc, tu es. Oui, quelqu'un peut nous aider? Lâche en Swahili. Hein? Kiwelewele. Non, non, non. C'est pas ça. Là, on est un peu loin du royaume. Bon, ok. Hein? Waboka. Non, là ce n'est pas Waboka. Là ce n'est pas quelqu'un qui est peureux. Qui manque de courage. Alléluia. Amen. Qui manque de courage. Anakosa ya ujasiri. Ne manquez pas de courage. Mujikosa una ujasiri. Un roi, chapitre 19, à partir du verset 1er, au verset 19, un roi, chapitre 19, à partir du verset 1er, écoutez un peu l'attitude de Élie. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Ahab alimweleza Jézabel yote alimwambia Elia. Et comment il a été tué par l'épée tous les prophètes. Ça c'est Élie. Et beaucoup de gens veulent être comme Élie. Verset 2. Jézabel envoie un message à Élie pour lui dire. Cher prophète. Duku. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à 7h où je te parle, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun mes prophètes. Verset suivant. Élie voyant cela, Élie a kaona ile, se leva et s'en alla, akasimama na kaenda zake, pour sauver sa vie. Ili aokoe buzima bwake. Élie le tisubite. Elia mtishibe. Ça c'est un prophète extraordinaire. Oui, ni nabii wa ajabu kabisa. Quand il finit son exercice ministériel extraordinaire, wakati alimaliza utumishi wake wa ajabu, le feu descend du ciel. Moto ilishuka toka mbinguni. Il demande aux gens: tuez les prophètes de Baal et d'Astar. Anauliza watu muue wanabii wote wa Baal. Et Elie précise: na analeta hakikisho. Qu'aucun n'échappe. On a tué tous les prophètes. Ce jour-là, le sang a coulé en Israël. Le sang a coulé. Le sang des prophètes de Baal. Oh bien-aimé, si tu sers Baal, tôt ou tard, le sang coulera. Tu perdras ta vie. Le sang a coulé. Alors on va faire le rapport à Jézabel. Jézabel envoie un message. Et celui qui fait le rapport, ce n'est pas n'importe qui. Le roi lui-même. Son mari. Il va voir sa femme. Lui c'est le roi. Il dit à sa femme: aujourd'hui c'était terrible. Je ne sais plus ce que je vais faire. Tous nos prophètes sont tués. Jézabel dit: ok. C'est Jézabel qui réglait le problème d'Akab. Il dit: allez dire à Élie. Demain. À la même heure, tel qu'il a coupé les têtes de tous les prophètes, si je ne coupe pas sa tête, que mes dieux à moi me punissent. Quand Élie reçoit le message, Élie comprend qu'on ne blague pas avec Jézabel. Élie comprend que l'heure est sérieuse. Le verset 4. Pour lui, il alla dans le désert. Donc Élie a fui. Ou après une journée de marche, Élie est en train de pleurer. Les choses deviennent difficiles. Il s'assit sous un gêné. Et demandant la mort. Nalilomba kifo imupate pale. Quelle lâcheté. Ah, ni kukosa nguvu kwa namna gani? Ça devient difficile. Inakuwa kigumu kwake. Élie préfère la mort. Élie alitamania afariki. D'ailleurs lui-même il dit: peke yake tena anasema, je ne suis pas meilleur. Misina mzuri zaidi. Que mes pères. Kushindia mababu zangu. Frère, ne cherche pas la mort. Parce que les choses deviennent difficiles dans ta vie. Ne cherche pas la mort. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Mungu yuko. Tu as un Dieu. Uko na Mungu. Tu as un Dieu. Uko na Mungu. Tu as un Dieu. Uko na Mungu. Si tu dis amen, tu reçois la vie de Dieu. Unapokea. Oh, gloire au Seigneur. Oh, et tu peux acclamer pour le Seigneur. Parce que Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Il est fidèle. Oh, Mungu ni mwaminifu. Il est fidèle. Hakika ni mwaminifu. Quel que soit celui qui te poursuit, quelle que soit la situation que tu traverses, tu ne mourras pas. Ne cherche pas la mort. Alléluia. Amen. Et dans deux rois, Élie est monté au ciel. C'est la première fois que quelqu'un monte au ciel avec son corps, avec ses ongles, avec sa barbe. Souvent on coupe la barbe, hein? Il monte avec sa barbe. Il monte avec ses habits. Donc aussi il y a quand même quelqu'un pour qui les habits ne s'usent pas. Il a laissé seulement le manteau. Il a conservé l'essentiel. Mais c'est ce monsieur qui cherchait la mort. Il n'est pas mort. Dieu lui a montré sa fidélité. Malgré les situations difficiles, Élie a atteint sa destinée. Toi aussi, malgré les situations difficiles, tu atteindras ta destinée. Bien aimé, il y a une séduction dans ce monde. Quand les choses deviennent difficiles, beaucoup de chrétiens ont tendance à abandonner. Vous savez pourquoi ils vont chez les féticheurs? Pourquoi ils vont choisir des mondes des occultistes? Ils pensent que là c'est facile. Ils pensent que c'est facile. J'ai même entendu des expressions. On dit en Swahili, Biamungu binakawaka. On dit que les choses de Dieu traînent beaucoup. Non, bien aimé. Quand ça devient difficile, Jésus dit, spacieux, il est munene. Le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup de gens choisissent ce chemin-là. Beaucoup de gens choisissent le chemin qui mène à la perdition. Je vais dire à quelqu'un, la première attitude, quand ça devient difficile, ne cherche jamais la mort. Ça sera une lâcheté, un manque de courage de dire non, que je meurs. Comme ça, je ne vois pas. Ma tête se n'est plus tard. Nous avons tellement souffert. Que je meurs. Non, comme ça, je ne vois pas. Non, bien-aimé. Ne meurs pas. D'ailleurs, tu ne mourras pas. Parce que très bientôt, tu verras la fidélité de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Deuxième attitude. Quand ça devient difficile, les gens qui veulent retourner, excusez-moi le terme, la tautologie, retourner en arrière. Genèse chapitre 37, versets 20 à 22. Genèse 37, makumitatu na saba kitabu ya mwanzo. À partir du verset 20. Le père de Joseph l'envoie pour voir ses frères. Le père de Joseph, Jacob, l'envoie pour voir ses frères et leur amener de la nourriture. Abalete ye chakula. Joseph, Yusufu, à sa gisbessière, en train d'aller voir ses frères. Quand il arrive de loin, ses frères le voient. Ils disent, tuons-le. Nous allons voir ce que vont devenir ces songes. Au lieu même de dire que ton est tout l'été, il nous amène quelque chose à manger. Vous savez ce que l'homme est. Il dit non, non. C'est ma part. Tuons-le. Bas, tout. L'ennemi cherchera toujours à tuer la chose de Dieu en toi. Mais Dieu aussi sait comment il va protéger la chose de Dieu en toi. Je dis à quelqu'un, la chose que tu as, la chose que Dieu a donnée, Dieu veillera sur la chose qu'il a placée en toi. La Bible dit, celui qui veille sur Israël, il ne sommeille ni ne dort. L'homme va sommeiller à un moment donné. L'homme va dormir à un moment donné. Mais ton Dieu ne sommeillera jamais. Il ne dormira jamais. Parce qu'il veille sur toi. Ils ont vu Joseph venir. Tuons-le. Nous allons voir ce que vont devenir ce soir. Nous allons voir ce qu'il va devenir. C'est-à-dire, nous allons arrêter son avenir. Quand Joseph arrive, C'est le verset 20 que nous allons lire. Venez maintenant. Tuons-le. Et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Quand vous voyez ça, tous les verbes sont conjugués au futur. Donc, le diable fait une planification pour tuer quelqu'un avant même de le tuer. Il trouve le lieu. Jetons-le dans la citerne. J'ai dit ce matin, alléluia. Amen. Tous les lieux que l'ennemi a préparés pour détruire ta vie, ce matin, je les anéantis et je les détruis au nom de Jésus. Que ça soit à l'Ikasi, que ça soit sur la route, que ça soit dans l'avion, que ça soit dans le train, que ça soit dans les véhicules, tous ces lieux-là, ce matin, je les détruis au nom de Jésus. Tout lieu où fera la place de tes pieds, Dieu te les donnera et il n'y aura pas de mort au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, jetons-le dans la citerne. Il a prévu le lieu. Remettez-moi ce verset là. Il a prévu le lieu. Jetons-le dans la citerne. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous allons trouver une raison. Oh, je déclare ce matin, j'enlève dans la bouche de tes ennemis, j'enlève dans la tête de tes ennemis toute raison qu'il planifie contre ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. On dit on va les tuer. Et on dirait que c'est à l'accoussement qu'elle est morte. Non, tu ne mourras pas à l'accoussement. Cette raison-là n'a plus de valeur au nom de Jésus de Nazareth. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Oh frères et sœurs, ce que Dieu va t'a donné, ça va se manifester. Personne ne l'arrêtera. Personne ne l'arrêtera au nom de Jésus. Verset suivant. Ruben, qui était l'aîné de Jacob, entendit cela. Et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Bien-aimé, je prie pour toi que dans l'assemblée où on fait des complots contre toi, qu'il y ait au moins une personne qui va se lever pour parler en ta faveur, même dans ta belle famille, il y aura une personne qui va parler du bien que tu lui avais fait, même chez les fétisseurs, même les fétisseurs lui-même, il va dire à celui qui l'a suivi, non, un jour tu lui as donné de l'eau à boire. Partout, dans toute assemblée de tes ennemis, il y a une personne que Dieu va susciter pour dire ne faisons pas cela. Oh bien-aimé, même les ennemis sont les instruments de Dieu. Et aujourd'hui, parmi tes ennemis, Dieu suscitera un instrument qui défendra ta vie. Alléluia. Amen. Le verset suivant. Ruben avait l'intention. Écoutez ce que la Bible dit. Ruben leur dit ne répandez point le sang innocent. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. J'aime la dernière phrase. Il avait des seins. Il avait dessein de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Alors que ce n'était pas une bonne intention. Quand le moment devient difficile, ne cherche pas à retourner. Parce que le plan de Dieu, ce n'était pas que Joseph rentre chez Jacob. Le plan et la destinée, c'était qu'il traverse des moments difficiles qui vont lui permettre d'atteindre l'Égypte. Oh bien-aimé, le plan de Dieu, c'est de continuer. Même quand tu vas traverser la vallée de l'ombre de la mort. La vallée de l'ombre de la mort ne retourne pas. Plusieurs personnes, à cause des problèmes, ont décidé de retourner dans leur vie. Ils ont décidé de retourner. Frères et sœurs, pourquoi tu retournes? Pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux arrêter? Même quand ça devient difficile, ne retourne pas. Ruben semblait avoir une bonne intention devant les hommes, mais ce n'était pas l'intention dans le plan de Dieu. Quand ça devient difficile, je vois même dans Marc 4, on parle de la tempête. Quand la tempête s'est levée sur la mer, Jésus n'a pas dit non, Pierre, j'ungulusha bateau troudir. Jésus n'a pas dit non, retournons en arrière non plus. Il a calmé la tempête et ils ont continué. Oh bien-aimé. Tu vas expérimenter la fidélité de Dieu. Même quand le moment devient difficile. Même quand le moment devient difficile. Joseph a expérimenté la fidélité de Dieu. Genèse 41 à partir de 38 et le suivant. Joseph est arrivé en Égypte. En passant chaque fois par des étapes difficiles. Joseph, le plus aimé de sa famille, a été vendu dans un supermarché. Il a été vendu aux enchères. D'ailleurs, ses frères n'avaient même pas besoin de beaucoup d'argent parce qu'ils cherchaient sa mort. On voit très bien qu'ils n'ont même pas discuté. Ce qu'on leur a proposé, ils ont pris. Il est arrivé chez Potiphar. Encore vendu. D'abord, il a été vendu par l'argent. Et puis, il a été vendu par les paroles. Oh, bien-aimé. Peut-être qu'il y a des paroles qui t'ont vendu pour te mettre dans la prison. Ne retourne pas. Continue. La fidélité de Dieu est dans les chemins difficiles. La fidélité de Dieu est aux portes difficile. Il y a quelqu'un qui doit entrer quelque part. La porte est devenue difficile. Je t'encourage ce matin que Dieu est fidèle. Sa fidélité, même devant les portes difficiles, tout le monde ne veut pas de toi, mais tu entreras. Les obstacles s'élèvent, mais tu entreras. Le chemin devient difficile, mais tu avanceras. Tu vas expérimenter la fidélité de Dieu. Genèse 41, à partir du verset 38, regardez la fidélité de Dieu. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci. Comme celui-ci. Mais c'est celui-ci qu'on voulait vendre. C'est celui-ci qu'on voulait tuer. Frères et sœurs, la fidélité de Dieu, elle existe. Ne retourne pas. Quand ça devient difficile, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, il est fidèle. Jésus, tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'abandonnes pas ce que tu as prévu. Même quand ça devient difficile, je le déclare ce matin. Je le confesse ce matin. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle dans ta vie. Jésus est fidèle pour quelqu'un. Jésus est fidèle. Est-ce que tu peux acclamer la fidélité de Dieu? Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Et troisième attitude, on va terminer par là. Si tu rencontres des problèmes dans ta vie, merci les choristes. Si tu rencontres des problèmes dans ta vie, n'abandonne pas. N'abandonne pas la chorale. N'abandonne pas l'église. N'abandonne pas tes enfants. N'abandonne pas ton mari. N'abandonne pas ta femme. N'abandonne pas de travailler. Parce que tu rencontres des problèmes. Non, bien aimé. On ne va pas lire, je vais expliquer, on va gagner le temps. Je suis dans 1 Samuel. Le chapitre 27. À partir du premier verset jusqu'au cinquième verset, nous pouvons aller dans 1 Samuel chapitre 30. Et puis nous irons dans 2 Samuel, chapitre 2, verset 1 à 5. Et chapitre 5, verset 1 à 5. Alléluia. Je parle de David. Dans 1 Samuel, le chapitre 27, David se réalise. David réalise que s'il continue à chercher la royauté, c'est sa mort. Saül a mis des espions partout. Saül commençait à chercher David partout dans tous les pays. C'est le roi qui cherche un homme. Ce n'est pas une personne n'importe qui. Mais c'est le roi qui cherche David partout. Il n'y avait aucun endroit où David pouvait se cacher. Il est parti dans grotte, ça n'a pas marché. Il est parti même à Rama chez Samuel, ça n'a pas marché. Mais David dit, mais t'as coup foi. Je vais mourir. J'abandonne la royauté. Ce que Dieu m'a dit, non, c'est trop fort. Je ne saurais pas. Saül est très fort. J'abandonne. Qu'est-ce que je fais? Je vais me cacher chez les Philistins. C'est Achish. Je rentre seulement pour devenir un chasseur avec mes hommes. Et David est rentré chez Achish. Il a dit, même la royauté, je n'en veux plus. Il s'est dit, ma force, ma puissance ne peut pas me donner ces choses. Oh, j'aime ça. Quand j'atteins mes limites, Alors je recours à l'Éternel. Quand tu as telle limite dans ta vie, commence une étape que toi tu ne vas pas gérer. Commence une étape que Dieu va gérer. Je dis à quelqu'un ce matin, qui a telle limite de ses compétences, qui a telle limite de son intelligence, il y a une autre étape au-delà des limites, même au-delà des limites de l'infini. Il y a une autre étape. C'est le Dieu infini. C'est le Dieu infini qui prend les choses en main. Quand il a abandonné, il est parti avec ses deux femmes. Il est parti. Oh, il est parti. Il dit ainsi, je vais échapper à Saül. Il a abandonné la royauté. David a abandonné la royauté. Il est parti au pays des Philistins. Il est parti. Et le 2 Samuel chapitre 2, à partir du premier verset, j'aime le Seigneur. David a atteint ses limites. Dans la vie, il y a des moments où tu as tout essayé. Et puis tu te dis, Ponanga esuki awo. Esuki jo mwisho yangu awa inaishia hapa. Ah, j'aime ça. Oh, napenda maneno haya. Je dis à quelqu'un ce matin, basi nasema na mtu mwa asubuhi ya leo, qui a atteint, ule alifika, qui a atteint, anafika les limites, kumipaka yake. Tu as essayé de te battre contre des esprits démoniaques. Tu essaies de te battre dans la vie contre les chefs, contre les problèmes. Et puis tu dis non. Pour lelo, pour moi, j'arrête. Même ce qu'on appelle promesse, j'abandonne tout. Je risque de mourir pour rien. Et au chapitre 2 de 2 Samuel, oh, j'aime ça. 2 Samuel chapitre 2, oh, j'aime ça. Mais ce matin, j'aimerais que tu quittes ces lieux avec une pensée. Commençons d'abord le chapitre 1 de 2 Samuel. Il y a quelque chose d'intéressant. Oh, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, laissons le chapitre 2 pour gagner le temps. La Bible dit, après cela, David consulta l'Éternel. Et Dieu lui dit, où est-ce que je vais monter? Dieu lui dit, monte à Hébron. Et David est monté avec ses deux femmes, Ahinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent les villes d'Hébron. Oh, que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Quand David a fui chez les Philistins, il y a eu guerre contre Israël. David n'était pas là. Daoudi akukuya tena kule. Et dans cette guerre, katika vita hiyo, Saül est parti en guerre. Alienda kupiga vita avec son fils Jonathan. Na mwanaye Yonatani. Et en pleine guerre, wakati ya vita, kubwa katikati ya vita. Il y a eu des problèmes. Tatizo ilionekana pale. David est ailleurs. Daudi alikuwa fasi ngine. Il est à Siklag où il s'est caché. Yuko ngambo ya Siklag kule alifuchama. David, qu'est-ce qui s'est passé? Daudi s'est dit n'apitekane kule. Quelqu'un vient lui dire. Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. David qui a abandonné. David qui a fui. Quand il a atteint les limites de ses moyens. Pour qu'il ne dise pas comme on a dit pendant les actions de grâce. Que c'est ma force. Et ma puissance qui m'ont donné la royauté. Mais quand on marche avec Dieu, Dieu aime toujours que tu arrives à un moment donné que tu te dises ce que je suis ne dépend pas de moi. Ce que j'ai, ce n'est pas ma force. Ce que j'ai, ce n'est pas mon argent. Beaucoup de gens qui se glorifient de leur force, qui se glorifient de leur richesse, finissent toujours mal. Si vous voulez vous glorifier, glorifiez-vous d'être enfant de Dieu. Glorifiez-vous que c'est l'Éternel qui donne ces choses. Dieu aime que quand son enfant arrive à ce point-là, il dit ce n'est pas moi. Zorobabel, dans Zacharie chapitre 4, il dit qui es-tu, grande montagne? Tu seras renversé aujourd'hui. Parce que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Éternel des armées. David est chez Atsiklag. Saül et Jonathan sont morts. On vient lui donner la royauté sur le plateau. J'ai dit à quelqu'un, n'abandonne pas. Quelque chose est en train de venir sur le plateau. Quelque chose vient sur le plateau. Quelque chose vient. Bien-aimé, je parle comme serviteur de Dieu. Quelque chose est en train de venir sur le plateau. Ce que Dieu a promis pour toi, ce que Dieu a préparé pour toi, quelqu'un est en train de te l'amener. Et on vient dire à David, Saül est mort, Jonathan est mort. Mais après avoir traversé le chemin à problème, le chemin resserré, bien-aimé, Dieu a préparé le cœur de David. David loin, mais regardez partout où il est passé. Dieu a préparé son cœur. Première attitude, David va consulter l'Éternel. Il dit à Dieu, est-ce que je vais monter? Que je monte où? Est-ce que je vais monter? Dieu lui dit, monte. Monte panda à Hébron. J'ouvre une parenthèse. Il est monté avec ses deux femmes avec qui il a souffert tout ce temps. Il est monté avec ses généraux avec qui il a souffert tout ce temps. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Oh, je retiens aussi une leçon. N'abandonne jamais quelqu'un avec qui tu es parce qu'il souffre. Parce que quand la gloire viendra, tu auras du mal à partager cette gloire. La gloire se partage avec les gens avec qui on souffre. Toi qui souffres avec quelqu'un, mari ou femme, ou même les amis. David est monté avec ses deux femmes. Il est monté avec ses amis. Je veux dire quelque chose qui va te choquer. Mais c'est une leçon de la vie. Il est monté avec les amis avec qui il a souffert. Les vrais amis dans la vie, ce sont les amis avec qui on a souffert. Ce ne sont pas les amis de la gloire. Je disais d'ailleurs un jour qu'il n'y a pas de nouvelles amitiés. Il n'y a que de nouvelles relations. Les vraies amitiés sont des anciennes amitiés avec les personnes avec qui on a souffert, avec les personnes avec qui on partait au champ, avec les personnes avec qui on était en culotte, avec les personnes avec qui on se battait, avec les personnes avec qui on n'avait pas la nourriture. On se regardait, qu'est-ce qu'on va manger? Ils disaient, nous mangeons la bouillie. Quand la gloire vient, partage la gloire avec les anciens amis. Partage la gloire avec les gens avec qui tu as souffert. Frères et sœurs, ne te trompe pas. Les vraies amitiés, c'est avec les personnes avec qui on a souffert. Partage ta vie, ta gloire avec la femme avec qui tu as souffert, avec tes enfants avec qui tu as souffert, avec l'église avec laquelle tu as souffert. Quand la gloire arrive, beaucoup de gens veulent partager avec d'autres personnes. Non, bien aimé, les vraies amitiés, c'est avec les personnes qui ont connu ma souffrance, qui ont connu ma souffrance, qui m'ont vu pleurer, qui m'ont vu pleurer, disant que je n'en peux plus. C'est là la vraie amitié. David est monté avec ses gens. Dieu lui a dit, reste à Hébron. Reste à Hébron. Mais la vision de Dieu, ce n'était pas Hébron. C'était Jérusalem. Lève ta main. Dis avec moi. Ma destinée, ce n'est pas Hébron. C'est Jérusalem. Ma destinée. Ce n'est pas la cité. Oh, ce n'est pas la cité. C'est la capitale. C'est la capitale. Frères et sœurs, même si tu es ici à Likasi, mais Dieu te voit dans la capitale. Hey! Oh, c'est pour un temps seulement. Alléluia. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Même si tu as une moto, mais ta destinée, c'est conduire un avion. Même si je suis en culotte, ma destinée, c'est mettre des vestes. Même si j'ai un petit chombo, mais ma destinée, c'est ça. Frères et sœurs, alléluia. La destinée de David, ce n'était pas Hébron. La destinée, c'était Jérusalem. Ne te bloque pas. Vous savez une chose, quand on a oint David, on ne lui avait jamais parlé d'Hébron. Jamais. Même quand tu as parlé à Joseph, il n'a jamais parlé de Potiphar. Même s'il était bien payé et qu'il mangeait bien, beaucoup de gens oublient la promesse réelle de Dieu quand ils rencontrent des petits moments de jouissance. Amen. Tu seras élevé. Tu vas diriger ce pays. Mais quand il devient bourgmestre, il dit non, Mungu, mipa nilea. Moi, Dieu, je reste par ici. À cause de la redevance. Non, frère. Ta destinée, c'est là. Cela demande la sagesse dans tes choix. Il y a même des jeunes filles. Dieu t'a promis un mari. Je ne suis pas contre les créseurs. Mais quand quelqu'un vient avec un peu d'argent, moi je m'en vais avec lui. Frère, non, ta destinée, c'est le roi. C'est le mariage avec le roi. Amen. Dieu t'a promis de grandes richesses. On va te donner un peu d'argent. Tu trahis. Non. Ce n'est pas ça. Dieu n'avait parlé, jamais parlé d'Hébron. Mais David se retrouve dans Hébron. Il y a des choses. Quand Dieu t'a dit, je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Mais toi, tu as une petite chose. Tu dis, Seigneur, je m'arrête ici. Je dis à quelqu'un ce matin, lève tes yeux. Regarde toujours ta destinée. Même si c'est difficile, David à Hébron. Les gens qui étaient à Jérusalem, Abner et les autres, même les boiteux, ils ont dit David n'entrera jamais. Même les boiteux, ils ont dit Ashtenkia. Il a dit n'entrera jamais. Donc toute la vie de David, mais il y a Daoudi. Le chemin était toujours difficile. Entrer par la porte étroite, par le chemin resserré, c'est celui-là qui amène à la vie éternelle. C'est celui-là qui amène à la destinée. C'est là que tu vas expérimenter la fidélité de Dieu. Comment tu diras que Dieu est fidèle si tu es sur un chemin facile? Mais le monde nous a montré que la facilité, c'est la preuve que Dieu t'a agréé. Oh, tu termines. Déjà tu roules carrosse. Déjà tu es millionnaire. On a fabriqué, non bien aimé, le chemin de Dieu. Parfois il est resserré. Tu portes la semence en pleurant. Mais tu rapportes la gerbe avec chant d'allégresse. Les larmes précèdent la joie. L'humiliation précède l'élévation. Ne te détourne pas du chemin. N'abandonne pas. Ne cherche pas ta mort. David est resté à Hébron. Un bon jour, eux-mêmes sont venus pour voir David. Frères et sœurs, Dieu a un calendrier. Dieu a un programme pour toi que l'ennemi ne connaît pas. Et je déclare ce matin, c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu pour ta vie. C'est le temps de Dieu pour ta maison. Ils sont venus. Ils ont dit à David, viens, viens régner sur nous tous. Et la promesse de Dieu s'est réalisée. David qui voulait abandonner, il n'a pas compris comment il s'est retrouvé roi conformément à la promesse de Dieu. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu t'accompagnera toujours sur le chemin de la vie. Sur le chemin de la vie. Oui, lève ta main. En te mettant debout, lève ta main. Oh, il est fidèle. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Oh, commence à proclamer. Commence à proclamer. Dieu, tu es fidèle malgré mes problèmes. Dieu, tu es fidèle malgré mes situations. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es fidèle. Oh, commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Commence à le bénir. Élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quelles que soient les situations de la vie, le chemin est rocailleux. Le chemin est difficile. Mais Dieu est fidèle. Il est fidèle. Oh, merci Jésus. fidèle. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Proclame, proclame fidèle. La fidélité de Dieu. Jésus est fidèle. Ah la base. Jésus est fidèle. Ike, ya ma chérie. Jésus est fidèle. Merci pour ma vie. Merci pour l'église. Merci pour ma mère. Merci pour mes enfants. Merci pour ma situation. Fidèle. J'aimerais prier pour quelques personnes telles que l'Esprit m'a dit. Il y a des gens en ces lieux, même dans nos familles, même ceux qui nous suivent, à cause de moments difficiles. Il y en a qui veulent se donner la mort. J'aimerais prier pour toi ce matin. Il y a des gens aussi qui veulent rebrousser chemin, qui veulent retourner. Trois, il y a des gens qui veulent abandonner ou qui ont déjà abandonné. Approchez-vous, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous parce que Dieu veut vous faire grâce. Approchez-vous. Oui, tu veux abandonner. Tu as déjà abandonné. Tu veux rentrer en arrière. Oui. Approche. L'Esprit de Dieu est là. D'ailleurs, le fait de venir, c'est un acte de foi. Tu dis à Dieu, voilà, je n'en peux plus. Toi-même agis. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Ceux qui sèment avec larmes, qui moissonnent avec son allégresse. Si tu tiens fort dans les moments difficiles, il t'amène à une nouvelle étape supérieure dans ta vie. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, Jésus soit élevé. Oh, tu es là, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce chemin-là, Dieu est avec toi. Tu vas expérimenter quelque chose de Dieu. La fidélité de Dieu. Levez les mains. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dès que tu comprends ces choses, il va commencer à te remonter dans ta vie. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont ici. Ils sont désespérés. Au point d'abandonner. Ils sont désespérés. Au point de faire marche arrière. Ils sont désespérés. Il y en a qui pensent même à la mort. Tu m'as dit de dire à ton peuple que tu es un Dieu fidèle. Et maintenant que je le proclame, manifeste ta fidélité dans la vie de chacun. Ce que tu as dit, ce que tu as dit, fais-le maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, oui, Saint-Esprit, commence à les toucher parce que ta fidélité est là. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Au nom de Jésus, je libère la puissance de l'Esprit de Dieu. Je libère par cette parole, Dieu, que tu montres ta fidélité. Montre ta fidélité. Au nom de Jésus, Seigneur, je proclame comme souverain sacrificateur, montre ta fidélité. Montre ta fidélité. Le temps de la fidélité de Dieu. Le temps de la fidélité de Dieu. Montre ta fidélité. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Montre ta fidélité. Montre ta fidélité. Montre ta fidélité, Seigneur. Oui, ta fidélité. Oui. Dans les moments de douleur, dans les moments de douleur, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, ta fidélité. Éclamons. Je suis un montre ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur. Montre ta fidélité. Montre ta fidélité. Oh Dieu, quand on est difficile, oui, lève-toi. Montre ta fidélité. Montre ta fidélité, Seigneur. Ta fidélité. Ta fidélité dans sa vie. Le temps a sonné. Le temps a sonné. Montre ta fidélité. Montre ta fidélité. Seigneur, montre ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, montre ta fidélité. Montre ta fidélité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Montre ta fidélité. Oh, tu es fidèle. Fidèle, fidèle, fidèle, oh, tu es fidèle, tu es fidèle, oui, tu es fidèle, oh, assis, tu es fidèle, assis, fidèle, oui, tu es fidèle, Dieu, tu es fidèle, toutes choses, Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Mon Jésus, mon Jésus, oui, il est fidèle, il est fidèle, mon la fidélité dans sa vie, mon Jésus, oh, tu es fidèle, tu es fidèle, oui, tu es fidèle, tu es fidèle. La fidélité, Seigneur, tu es fidèle. Dans sa vie, la fidélité, la fidélité, la fidélité, au nom de Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, au nom de Jésus. Tu es au nom de Jésus. Mon Jésus est fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, mais nous sommes toujours en prière. La vie ne va pas se limiter à Hébron. Pas au milieu du chemin. Non, tu dois arriver à Jérusalem. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Comment que tu pries. Mais la fidélité de Dieu est une arme. Quand ça devient difficile, tu dis Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Même en train de mourir sur le lit, tu ne m'as pas dit que j'allais mourir maintenant. Tu es fidèle. Élève ta voix. J'aime ce cantique fidèle à Tangonios. Fidèle à Tangonios. C'est possible. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries pendant ce moment. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Élève ta voix. Commence à prier. Il est fidèle en tout temps. Il est fidèle en tout temps. Il est fidèle en tout temps. Élève ta voix, commence à prier. Oh, nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Nous avons un Dieu fidèle. Oh, nous avons un Dieu fidèle. C'est devenu dur. C'est devenu dur dans la vie. Oh, il est fidèle. Fidèle na bilaka papa. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle à Boutouna Moïse. Alléluia. Fidèle à ma principe. Alléluia. Fidèle à amitié, papa. Au combat, moi, à ton mot. Bon, allez, votre fidèle à ton Est-ce que tu peux tenir debout pendant quelques minutes encore? C'est le dernier dimanche de février. J'aimerais que tu pries pour le mois qui vient. Nous prions pour la semaine et le mois de mars qui arrive. Dis à Dieu, même dans des moments difficiles, j'aimerais te consacrer ce mois de mars. Te consacrer ce mois de mars. Parce que tu as dit, tu essuieras toutes larmes de mes yeux. Que Dieu te donne la capacité d'avancer. Et que sa fidélité se manifeste dans ta vie. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Tu dois avancer, frère. Avance, ne recule pas. Avance, ne te donne pas la mort. Avance, n'abandonne pas. C'est lui qui t'a promis est fidèle. C'est lui qui t'a promis est fidèle. C'est lui qui t'a promis est fidèle. J'aimerais que tu pries pour ta situation. La Bible me dit dans Romains chapitre 4. Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ne considère pas les choses autour de toi. Ne regarde plus avec tes yeux pour te décourager. Mais aie la conviction que celui qui fait la promesse, il est capable aussi de l'accomplir. Élève ta voix, prie pour toi-même. Bien-aimé, apprends à prier pour toi-même. Prie pour toi-même. Abraham avait la pleine conviction. Il avait près de 100 ans. Même à 100 ans, Alléluia. La promesse est réalisée. Même à 100 ans, lui vieux, Sarah vieille, la promesse est réalisée. Moi aussi, la promesse de Dieu va se réaliser. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Oh, oh Jésus. Prie, il est fidèle. Il est fidèle. Prie pour toi-même. Prie pour expérimenter la fidélité de Dieu. Oh, il est fidèle. Abraham n'a pas regardé, même dans ta santé. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur avec des acclamations? Oh, avec des acclamations. Oui, tu n'as pas bien célébré. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur? Tu peux célébrer le Seigneur. Oui. Akuna Mungu kama wewe. Nous voulons chanter ce cantique pendant que nous offrons. Nous allons passer aux offrandes. Nous allons passer aux offrandes et nous chantons ce cantique. Akuna Mungu kama wewe baba. Akuna Mungu kama wewe baba. Uwa milele. Kama wewe baba hakuna Mungu kama wewe baba wa milele milele oh yeah yeah kama wewe baba oh wa milele milele wa milele hakuna Mungu kama wewe baba Poussons les cris de joie. Mungu baba tunamupikia bikelekele wa milele oh yeah yeah kama wewe baba oh wa milele oh yeah yeah kama wewe baba nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona nitaimba nitamwimbia Bwana wangu kwa kuwa yeye ameniona oh nitamwimbia wa milele kwa kuwa yeye ameniona nitaimba nitamwimbia Bwana wangu kwa kuwa yeye ameniona. Multiple action de grâce pour ce que tu as mis entre nos mains pour que l'on puisse t'offrir ce matin. Éternel, bénis la main qui s'est approchée ce matin devant ses paniers. Bénis celui qui n'a pas, éternel Dieu de gloire, apporté quelque chose afin que prochainement, Seigneur, qu'elle puisse s'approcher et t'offrir. C'est par nos acclamations que nous te rendons encore multiple action de grâce. Amen. Pour le communiquer, nous invitons papa. Nous continuons à acclamer le Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons d'abord recevoir Nos bien-aimés qui ont été baptisés dans le Seigneur. Le frère Yumba wa Kabila Jires. Il a été baptisé, est-ce qu'il est là? Le frère Jires Yumba wa Kabila. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Viens. Gloire au Seigneur. Viens, mon frère. Il y a aussi le frère Okundola Odimba Enoch. Est-ce qu'il est là? C'est toujours merveilleux de voir des enfants de Dieu, des personnes qui reçoivent Christ et qui se donnent au Seigneur. Le baptême, c'est vrai, il ne sauve pas, mais il témoigne que nous aimons le Seigneur et que nous servons le Seigneur. Et il faut l'accomplir dans la vie en tant qu'enfant de Dieu. Et ils ont été baptisés. Ils sont devenus membres effectifs de l'Église. Et ils sont devenus témoins de Jésus-Christ. Donc pour le moment, vous les considérez comme nos frères, comme des témoins de Christ. Et ils sont participants. Ils sont participants à la vie de l'Église et à la vie du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? Alléluia. Vous ne les avez pas bien encouragés. Amen. Si c'est votre première fois d'être à l'église, levez la main là où vous êtes. Vous nous voyez, nous sommes toujours joyeux ici chez nous. Mettez-vous debout, nous voulons vous saluer. Mettez-vous debout. Oh, regardez vous-même notre joie. Est-ce qu'on peut exprimer la joie correctement? Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, restez debout pendant quelques minutes. Restez debout. Vous voyez notre joie. Nous serons dans la joie de vous voir chaque jour au milieu de nous. Et soyez sûrs, nous allons vivre comme ça. Ok. Je vais vous demander de venir ici devant. Prenez vos histoires seulement. Venez vous asseoir ici. Nous voulons faire nos invités d'honneur. Asseyez-vous là. Alléluia. Asseyez-vous. Est-ce qu'on entend les encouragements? Mettez-vous là, oui. Mettez-vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, ne soyez pas bouleversés. C'est comme ça que nous nous exprimons. Quand nous voyons les visiteurs venir chez nous, nous allons prendre vos adresses. Nous voulons vous connaître. Nous voulons marcher avec vous. Vous allez nous dire votre nom, là où vous vivez, là où vous habitez. Voilà, nous voulons être ensemble, une famille. Donc, il y a des frères qui vont rester avec vous pour partager ces instants. Nous sommes une église qui adore le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et nous allons vous encourager à accepter ce Dieu merveilleux. Même sur le chemin, quand les choses deviennent difficiles, il nous montre sa fidélité. Et nous avons expérimenté, nous comptons expérimenter la fidélité de Dieu. Et c'est pourquoi nous lui faisons confiance. Même quand notre corps se détruit, quand nos choses deviennent difficiles, nous faisons confiance au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour les enfants? Action de grâce. Maman Claudine remercie le Seigneur pour sa guérison. Maman Claudine naye na shukuru bwana kwa ajili ya matunzo yake. Et puis je l'ai vu, elle vient de très loin, de l'extrémité de la terre. Est-ce qu'on peut l'encourager? Oh. On peut l'encourager. Nous sommes dans la joie de l'avoir au milieu de nous. Oh, que Dieu vous bénisse. Alors, Adilolo, ça s'est bien passé? Comment va le pasteur? Il va bien. Ça va, on bénit le Seigneur. On peut l'encourager à acclamer le Seigneur. Je donne le programme avant de recevoir et de prier pour notre fils. Demain, lundi, nous sommes dans les secteurs. Et mardi, nous avons prière de tous les serviteurs. Chers frères et sœurs serviteurs, le temps est arrivé dans la vie de ne pas être superficiel, de ne pas chercher les apparences ou les cosmétiques, mais d'être dans la profondeur avec le Seigneur. Si je suis serviteur de Dieu, je dois servir Dieu. C'est comme ça que quand nous disons réunion des serviteurs, il n'est pas bon. En fait, j'allais dire, il est indécent. Il s'est kabisa. Que moi, serviteur, je ne sois pas à la réunion des serviteurs. Donc, si je suis serviteur de Dieu, dans mon cœur, je viens à toutes les activités qui concernent les serviteurs de Dieu. Sinon, je ne suis pas vrai avec moi-même. Quand on est vrai avec soi-même, on est vrai avec soi-même. Quand on est faux, on sait qu'on est faux avec soi-même. Vous savez, j'ai toujours dit que, en fait, ce jour-là au ciel, il n'y aura pas un garde qui va dire ouais, wende mon bingu, ouais, wende mon chétane. Non. Toi-même, tu arriveras. Tu dis non, en tout cas, moi, c'est à gauche. Parce que toi-même, tu auras le tableau de ta vie. Donc, il faut être vrai. Paul, il parle même de la conscience. Quand il parle à Timothée. Donc, serviteur de Dieu. Quand on dit réunion, on dit réunion. Serviteur de Dieu. Quand on dit contribuons pour l'église, on contribue pour l'église. Il y a des serviteurs, ni action de grâce, ni offrande, ni dîme. On est serviteur de Dieu. C'est un exercice de donner sa dîme, c'est un acte de foi. Seigneur, tu m'as donné. J'ai dit action de grâce égale redevabilité. Je vais chercher vraiment le bon mot. Redevabilité. C'est-à-dire que je suis redevable envers Dieu. aipasi kuleta kintu mina kwa mina ai niko na mapasho ya kuleta. Voilà, c'est bon, voilà. Redevabilité envers Dieu. C'est important de connaître ces choses. Comme je suis redevable envers ma femme, redevable envers mon mari, redevable envers mes enfants, redevable envers l'église, redevable envers mon travail, redevable, redevable, redevable. Nous sommes toujours redevables. Le programme de la semaine, la dernière semaine de février, c'est une semaine spéciale. À partir de mercredi, nous commençons un séminaire de prière et d'enseignement avec notre premier visiteur de l'année, le pasteur Benjamin Kinchocho de Kampala. Il arrive demain lundi. Il se repose et mercredi commence le travail. Le thème de ce séminaire, c'est loin pour prospérer. Loin pour prospérer. Et ça doit nous accompagner dans notre vie. C'est un homme de Dieu très bien. Il fait un bon travail. Et soyons là et nous serons bénis. C'est ça notre programme de la semaine. Mercredi, jeudi, vendredi. Et termine dimanche le 1er mars. Mais samedi le 28 mars et le 28 février, c'est le dernier samedi du mois de février, nous les serviteurs hommes adultes, nous avons notre rencontre à 15h. Ce que j'ai dit à tous les serviteurs est valable pour les hommes adultes. La fois passée, nous étions là, mais vous, vous n'étiez pas là. Bien-aimé, l'église, c'est un lieu de rendez-vous. Vous allez voir dans la vie, plus vous aimez l'église, plus il y a certaines choses dans la vie qui vont s'éloigner de vous. Et plus vous allez voir Dieu vous révéler certaines choses. Siméon dans Luc chapitre 1er était très âgé, mais il passait son temple dans l'église. Il attendait le salut. Anne, la prophétesse aussi attendait le salut. Elle avait 84 ans. Et quand elle a vu le salut, elle dit, Seigneur, maintenant je peux partir parce que j'ai vu dans l'église. Donc je nous encourage, hommes adultes, à 15h samedi 28, nous nous retrouvons pour notre réunion. Nous avons beaucoup de choses à dire et nous avons notre séminaire qui commence mercredi. Et les mamans devront me fixer, le comité des mamans, nous avons une réunion l'après-midi. C'est ça? L'après-midi ou maintenant? L'après-midi, le comité des mamans. Seulement le comité. Mettons à 16h. De 16h à 17h, une heure. Je veux juste finaliser avec les mamans par rapport au programme de la convention des mamans au mois de mars qui commencera le 25, le 26, le 27, le 28, le 27. Je pense que c'est terminé le 28, samedi 28. C'est ça, je prends le calendrier. Parce que le 29, c'est Rameau. Le dimanche de Rameau. Donc vous terminez la convention et puis nous commençons la semaine de Pâques. C'est pourquoi nous voulons cet après-midi finaliser avec tous les détails. Donc le comité des mamans, nous voulons mettre en ordre les commissions, les soucis. Nous voulons échanger, je veux vous écouter. Nous voulons nous entraider pour le travail qui aura lieu chez les mamans. Voilà tous les programmes. Nous allons prier à la fin, comme c'est le dernier dimanche pour les contributions des familles. Nous voulons d'abord présenter l'enfant ce matin. Et le présentons. Nous ne baptisons pas les petits enfants, nous les présentons au Seigneur. Pour que Dieu les garde. L'Église a une mission. C'est révéler le Seigneur. C'est pourquoi dans l'Église, il n'y a jamais la mort. Vous allez lire la Bible, il n'y a personne qui est entré dans l'Église et qui a trouvé la mort. Même quand on devait tuer quelqu'un, on disait, faites-le sortir de l'Église. Parce que là, c'est le lieu où Dieu donne la vie. Alors, il y a un enfant que nous avons présenté ce matin, Ekima Mukucha. Ekima Mukucha. Père Gracien Mukucha. Et mère Natacha Gracien Mukucha. Nous demandons aux parents de s'approcher avec le bébé. Et on peut acclamer le Seigneur pour les encourager. Et les chefs secteurs, ils peuvent s'approcher. Chef secteur. Le chef secteur, c'est qui? Chef secteur. Gracien, c'est quel secteur? Quartier Mission. Maman Gloria, aidez-nous à prendre le bébé Elvis. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier pour bébé et Kima. Nous le recommandons au Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur lui. Élevons nos voix. Prions. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants. Parce que c'est une grâce et une faveur que tu nous donnes. C'est des flèches, non seulement pour la famille, mais pour l'Église. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus. Je recommande ce bébé entre tes mains. Que ta grâce soit sur lui. Sur sa vie, je bénis sa destinée. Il marchera sur le chemin de la victoire. Il arrivera dans sa destinée. Je bénis les parents, Seigneur, qui ne manquent de rien. Seigneur, pourvois à tout ce qu'il faut pour leur famille, pour la croissance, l'éducation de cet enfant, Seigneur. Merci, Jésus. Je les recommande entre tes mains. Bénis-les. Souviens-toi de toutes les personnes qui attendent les enfants dans cette église. Que ta grâce soit sur elles. Bénis ton Église, bénis ton peuple. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana wabariki. Nous allons nous donner notre offrande pour soutenir la famille. Comme d'habitude, pendant que la couronne nous accompagne. Bénissons tous ceux qui ont contribué à bénir cet enfant. Bénis aussi leurs enfants. Bénis leur vie et la vie de leurs enfants. Pourvois à tout ce qu'il faut. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous nous tenons debout. C'est le dernier dimanche, nous allons prier. Nous allons prier. Tout à omba. Recommande le mois de mars entre les mains de Dieu. Que la main de Dieu soit sur toi. Élève ta voix pour commencer à prier. Recommande le mois de mars. Seigneur, nous recommandons ce mois entre tes mains. Que ta grâce soit sur tous tes enfants. Je bénis les jours qui viennent. Je bénis la semaine qui vient. Une semaine de différence. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Je voudrais prier pour toutes les familles de l'église. Pour plus pour les familles qui contribuent au travail dans l'église. Chaque fin du mois, nous donnons une contribution. Je voudrais prier pour vous. Levez la main là où vous êtes. Seigneur, je me tiens devant toi pour prier pour les familles de l'église. Tu es le Père de toutes les familles de la terre. Particulièrement pour les familles de tes enfants. Souviens-toi de leur travail, de leur vie, de leur maison. Qu'ils se disent, Dieu est fidèle. Tu dis que celui qui me sert, mon Père l'honorera. Oui, Seigneur. Honore ces familles. Honore tes serviteurs. Je les recommande entre tes mains. Merci pour ta fidélité. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin de ce culte, que ta grâce soit sur tes enfants. Cette fidélité dont on a parlé aujourd'hui, ce n'est pas un mot vain. C'est réellement ce que tu es. C'est réellement ce que tu vas faire. Les témoignages viendront pour dire Dieu est fidèle. Les gens qui pleurent trouveront la fidélité de Dieu. Les gens qui étaient sur le point d'abandonner trouveront la fidélité de Dieu. Parce que réellement, chaque matin, tu renouvelles tes bontés, ta fidélité. Merci Seigneur. Je bénis ton peuple. Qu'il soit béni dans son champ. Qu'il soit béni dans son business. Qu'il soit béni dans sa maison. Qu'il soit béni dans sa vie. Je recommence cette journée entre tes mains. Reçois l'honneur, la puissance et la gloire. Nous prions au nom de Jésus. Et nous disons Amen en célébrant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yesu mama, Yes